parti. Oui, je sais, j'en fais des tonnes. Et j'aurais voulu te le montrer. Au fond de moi, ce que j'ai caché. Mais je ne sais le dire. Oui, tu sais, je ne suis qu'un homme. Et petit à petit, je voyais. Tu voulais plus que toutes ces soirées. Oh non, non, non, non, non. J'ai compris, j'ai pointé mes défauts. Le temps passé, je n'ai jamais su te combler. Oh non, non, non, non, non. Et j'ai compris, j'ai pointé mes défauts. N'oublie jamais tout ce qu'on ne s'est jamais dit. Désolé, désolé. Tu en as assez. Et pourtant je fuis. J'ai peur de me retrouver sans toi. Mais ça je ne te le dis pas. Oui, ma fierté te perdra. Oh non, non, non, non, non. J'ai compris, j'ai pointé mes défauts. Le temps passé, je n'ai jamais su te combler. Oh non, non, non, non, non. Et j'ai compris, j'ai pointé mes défauts. N'oublie jamais tout ce qu'on ne s'est jamais dit. Désolé, désolé. Et t'es le ying et on se complète. Oh oui, tu es si parfaite. J'en vois tout passer pour rien. Quand toi tu souris pour un rien. Et on se complète. Et j'en perds la tête. Oh non, non.